On a la parole. On a la parole. On a la parole. On a la parole. On a la parole sur Radio Dieu. On a la parole. Et on va la garder, la parole. Yes. Sur Radio Dieu, 89.5. Asile de nuit, featuring Anne et Floire. Liberté. Radio Dieu, sur 89.5, c'est loin d'être idiot. Ça remplit plein les oreilles. Rock. Liberté d'expression. On tchatche, on tchatche, on tchatche. On parle, mais la musique est là, au centre. Et on écoute. On écoute. On a la parole. On écoute. On a la parole. Sur Radio Dio 89.5. C'est à Saint-Thé, ça. C'est à Saint-Thé. Exactement, à Saint-Thé, avec la nef et l'asile de nuit. Saint-Thé, mon petit Paris. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 895 de Radio Dio pour ce nouvel épisode de On a la parole, dont c'est déjà la troisième saison. Un générique qui commence à dater puisqu'aujourd'hui nous avons pas loin de trois équipes de football dans le studio réunis pour la Coupe du Monde du micro. On a aussi de nouvelles structures et de nouvelles personnes qui sont venues participer à cette émission collective qui a effectivement été créée au départ par la NEF et l'asile de nuit, avec des structures qui, disons, s'emploient à accompagner les personnes en situation de précarité et de logement, et qui ont été rejoints par deux nouvelles structures aussi aujourd'hui. On va pas présenter toutes les personnes, mais je tiens à vous dire qu'il y a quand même en présence tout de suite Mohamed, Polo, Farid, Judith, Patrice, Sandy, Yacine, Koudir, Nasser, Léa, et à côté de moi en régie technique Sophia et Mehdi. Françoise, que j'ai oublié parce que tu as changé de pièce, désolé. On a aussi donc des nouveaux. On va commencer par les petites présentations un petit peu rituelles. Nous avons notamment Yacine qui nous rejoint. Salut à toi. Et je viens de pension de famille, Solia, 69 rue Jean Parot. Très bien. Bienvenue à toi. Enchanté de te rencontrer. Il y a aussi Patrice qui est avec nous. Donc, c'est Patrice. Donc j'ai l'appartement avec Triangle, donc c'est un appartement individuel, et ils viennent une fois par semaine pour voir si c'est propre, et je suis avec ma chienne et voilà, point barre. On va reparler de ta chienne tout à l'heure dans le déroulé de cette émission a priori, et enfin bienvenue à Koudir. Ah, bonjour à vous, je suis, voilà, j'ai fait un métier enseignant, donc je profite de l'occasion de partager... un sujet aujourd'hui qui est social, donc avec l'ensemble de la société ici en France. Et avant de te laisser introduire un petit peu cette émission, on va laisser aussi la parole à de nouvelles personnes qui représentent aussi de nouvelles structures. Et nous avons notamment Judith qui vient de la structure Triangle. Bonjour. Bonjour, donc je suis de l'association Triangle qui a plusieurs activités dont la principale est l'accueil de jour qui est située au 29 rue Blanqui à Saint-Étienne. C'est dans le centre-ville ça, voilà, pas loin du Crédroc. Voilà, tout près de la place Jules Guesde, au bas du Crédroc. Et nous sommes ouverts tous les après-midi, la semaine, jusqu'à 20h. Nous proposons une collation et une orientation, un accompagnement pour les personnes qui s'y présentent. Et vous faites aussi un peu d'hébergement du coup? Voilà, on a aussi 10 logements que l'on propose à des personnes que l'on suit, et dont l'une des personnes qui est ici. Ton voisin immédiat, Patrice. Voilà, Patrice. Très bien. Et il y a Françoise du coup aussi, pour une structure qui est déjà venue la fois passée, mais qu'on n'a pas bien présentée. Alors là, je te laisse le micro pour parler un peu mieux de votre activité. Oui, c'est ça. Alors la pension de famille Jean Parot, elle est gérée par Solia Loire-Puy-de-Dôme. C'est un immeuble qui se trouve un tout petit peu au-dessus du HPL, à Saint-Étienne, donc qui est carrément bien situé. Nos résidents adorent être à la campagne. On a 25 studios qui sont dédiés à des personnes isolées, avec des faibles ressources. Et au quotidien, dans la semaine, on est deux travailleurs sociaux pour les accompagner dans tout ce qui est la vie quotidienne. Ça peut aller dans tous les sens, hein, la santé, le social, l'administratif, l'emploi, tout ce qu'on peut trouver. Et on propose aussi des accompagnements collectifs avec des sorties, alors les sorties sportives, culturelles, de loisirs, petits voyages à la mer dont ils viennent de faire le retour dernièrement... tout ce qui est dans le sens de nos résidents. Voilà. Et c'est un logement qui est pérenne et où la personne peut prendre le temps de se reconstruire avant de choisir de partir sur un autre logement. Ben, en tout cas, on est très contents et contentes d'accueillir et que cette équipe grandisse au fur et à mesure de l'aventure. On a la parole. On va aujourd'hui parler de précarité. Ça va être expliqué par plusieurs personnes. Je vous fais du teasing en attendant, mais on va commencer tout de suite en musique. Nasser, qui est-ce qui va choisir et présenter la première chanson, dis-moi donc. La première chanson va être présentée par Koudir. Tu crois pas que... Non, premier bug. C'est Polo, non ? C'est Polo, oui, excusez-moi. C'est Polo, présente Dick and the Garn de Mireille. Alors Polo, qu'est-ce que tu dis cette musique ? Bon, voilà, Dick and the Garn, je l'ai connu très jeune, enfin en tant que chanteur. Et j'ai trouvé que ses chansons étaient très colorées. En amour et en chaleur. D'accord. En chaleur. Ça tombe même pour l'été, quoi. Voilà. C'est le fait de voir la vie autrement. Un petit D'accord. peu. De voir la vie en couleur. En couleur et surtout, je pense que c'est surtout quelque chose où c'est que. L'homme n'est pas que l'homme. Il y a tout ce qui est aux alentours, les animaux, les arbres, la nature. On est tous en communion. Oui. Et je trouve que c'est important. Bien sûr. Voilà. Allez, on écoute tout de suite Mireille par Dick and the Garn, choisi par Polo sur le 89.5 de Radio Dio. Permettez-vous que j'emprunte votre oreille, histoire de vous raconter l'histoire de Mireille. Mireille est une mouche, comme toutes les mouches. Le soir elle se couche, à l'aube elle se réveille. Un jour elle atterrit dans la cellule d'une crapule. Raymond était son nom, il tirait 20 ans de prison. Violeur, voleur, tueur, Raymond attend son heure. Abruti par l'ennui, la mouche le surprit. Raymond, bonjour la mouche, Mireille, bonjour Raymond. Soyons de bons amis et des amis pour de bon. La brute apprivoisée passant toute sa journée à jouer avec Mireille pour bonne conduite et libérée. Qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on sort de prison? Dans une poche une mouche, dans l'autre quelques ronds. Si je me faisais denteur de puce, des cafards et d'abeilles, je me ferais manager. La bête de scène serait Mireille. Oh ouais! Voyons ce que ça donne, voyons si tu étonnes les clients de ce bistrot. Mireille va faire ton numéro. Tiens, une mouche, pardon, dit le garçon, et d'un pouce farouche. Mireille. Premier épisode, on a la parole. Sur Radio Dio 89.5. Dio 89.5, on a la parole et le Mireille de Dick and Garn tout de suite. L'émission du jour, comme je l'annonçais avant, est consacrée à la thématique et au fil rouge de la précarité. Et c'est Koudir qui va commencer par une présentation un petit peu de cette notion. Ben, bonjour à tout le monde et bon après-midi aussi à la fois. Je tiens à vous présenter un thème qui s'appelle précarité. Voilà, on va commencer comme si c'est l'été, c'est la période des vacances. Le changement fait beaucoup de bien. pour la santé. Je tiens à vous faire voyager un peu dans le thème, précarité, et vous raconter à la fois ces passages. Et vous découvrirez à travers cette émission radio Dio 89.5 ces multiples couleurs de... Pardon. Parlons de la précarité, c'est un énorme sujet relié à plusieurs facteurs de vie. Cela signifie la misère. Et celle-ci a plusieurs aspects. C'est un mode de vie qui nous fracasse le bonheur de vivre. Il y a toujours un départ à ce phénomène. Et le voyage, on ignore sa destination, mais on apprend beaucoup de choses à travers. Soi-disant, c'est un grand enseignement de la vie. Dont doit-on tirer des leçons pour se reconstruire ? Résister et remédier. Le combat qui reste à faire contre ce phénomène, c'est d'envisager à la fois les sorties de crise, qu'elles soient matérielles ou morales. Et d'après mon point de vue, la précarité stimule parfois à trouver des idées et nous propose pour repartir à nouveau. Les pensées ou les réflexions faites à ce sujet ne doivent pas rester des lettres mortes. Pensons aussi à les exploiter et les rendre réalisables pour sa propre vie et celle de la société. Et merci, voilà le thème d'aujourd'hui. Voilà ta vision du thème d'aujourd'hui, ouais, tout ouais. À fait. Merci à toi pour ouais. Cette présentation et ce texte. Merci. Et du coup, tu as choisi de l'illustrer d'ailleurs aussi en musique, puisque tu as choisi un morceau. Est-ce que tu le rattaches un petit peu à ce thème-là ou... Oui, c'est parce que j'ai choisi, bien j'ai sélectionné Idir, puisque c'est un chanteur qui est connu ici en France. Donc il était écouté, il a fait pas mal de concerts dans les quatre points cardinaux de la France. Donc c'est une personne qui n'est pas étrangère. J'essaie de mettre sa chanson qu'il a composée en langue française et en berbère à la fois. C'est La France des couleurs. C'est-à-dire, c'est un message de vivre ensemble. Il veut rassembler toutes les énergies de chacun pour un meilleur monde. On écoute ça tout de suite sur Dio. Et pour la France des couleurs, tout le monde fait yeah, yeah. What up, what's going down? Dribbling and champion, Big Ali, New York City in the building. We spread love. All the colors of France. We need you to unite. Stop the fight. Let's go! On mérite mieux qu'il s'est cité. L'avenir c'est la mixité. Et France des couleurs défendra les couleurs de la France. 9, 5, Radio Dio. La France des couleurs, voilà la chanson présentée par Kodir. C'est une chanson Didier, un chanteur assez connu. Et là, nous allons passer sur le témoignage de Patrice, sur son parcours de rue, le regard des autres, l'importance de son chien Athéna. À toi, Patrice. Ma chienne. Ta chienne. Ah, oui. C'est important. Ah oui. C'est très important, ma chienne. Très, très important. C'est celle qui me calme pour pas que je pète les plombs. Voilà. Ah, c'est bien. Ouais. Et bien, j'ai un fils avec sa mère. Bon, donc, je vois de temps en temps. Donc, c'est par rapport à mon fils et de ne pas refaire la prison. Et plus ma chienne. D'accord. Voilà. Et j'ai connu pratiquement 6 ans dans la rue. Avec ta chienne ? Avec une autre chienne. Ah. D'accord. Du coup, tu voulais nous parler un petit peu de ton parcours dans la rue, justement. Ouais. Parler de ça. C'est par rapport au regard des gens, parce qu'ils disent « Cette clocharde, t'as qu'à travailler, j'ai pas d'appartement. Qu'est-ce que... Il y a un patron qui va me prendre. » Voilà. Ouais, et en plus, il y a des... Il y a des choses qui sont plus importantes que travailler quand t'as pas l'appartement. L'appartement, c'est plus déjà important. À manger et à trouver un abri. Voilà. Et l'abri est déjà plus important que travailler, trouver le boulot. Ah ouais. Si j'allais décharger les camions, j'étais plus costaud, j'ai pas les problèmes de santé que j'ai. Je déchargeais les camions, j'allais voir, ils me payaient au black, ils me donnaient des sous. Voilà. D'accord, tu te débrouillais comme tu pouvais. Ou je faisais la manche. Mais j'ai jamais voulu dans les magasins. Oui, bien sûr. Et cette histoire du regard des gens, du coup, c'était quoi que tu voulais cibler ? Est-ce que c'est toujours agressif ? Parce que j'imagine que c'est pas que des mauvais contacts aussi, il y a aussi des rencontres dans la rue, non ? Oui, il y a des... Je veux pas faire le bisounours, mais... Il y a des bonnes connaissances, mais très peu. C'est, t'as un chien, t'as des sacs à dos, t'as le bordel, t'as... Voilà, et plus, tu te vois du rosé... Parce que je suis un alcoolique. Ouais. Donc, il voyait avec une bouteille, et voilà. Avec des sacs à dos, un chien, un gros chien. Parce qu'à l'époque, j'avais une Rottweiler. Ouais. Donc. J'en ai eu une Rottweiler aussi femelle. Mais non, j'ai une malinoise bord des collets. Là, c'est un border collie ? Ouais. J'ai une malinoise bord des collets. D'accord. La question, c'est pour l'entretien du chien. Attendez, comment ? Vous faites comment ? Est-ce que vous adressez à une association Ce que tu fais, tu vas chez les soins, chez un vétérinaire, tu dis je suis SDF, je touche pas beaucoup, et on peut payer en plusieurs fois. Mais ils demandent une pièce d'identité, soit un passeport ou une pièce d'identité. D'accord. Et ils font. Mmh. Voilà. Et tu peux payer en plusieurs la fois. La SPA ou Non, un vétérinaire, tu vas, n'importe quel vétérinaire, tu expliques ton cas, tu dis je suis SDF. Voilà. D'accord. Et dans l'ensemble, ça se passe bien parce que c'est sûr que c'est déjà pas facile de réussir à trouver de l'argent pour ses propres besoins. Et là, ça fait des besoins supplémentaires. Il faut effectivement s'occuper de la chienne. Mmh. Ça rajoute de la galère. Enfin, je dis, en même temps, c'est une compagnonne. Alors j'imagine c'est très une compagnie important. Plus une sécurité. Parce que quand vous trouvez des squats, t'entends, on va casser du SDF. T'as beau savoir se défendre. Il y en a 5-6. Généralement, les SDF, ils ont des gros chiens. Parce que pour la compagnie, pour se défendre. Parce qu'ils ne viennent pas les mains dans les poches, les gens. Hein. Avec des couteaux, les balles de baseball. Là, toujours pas le faire. Hein. Là, tu fais poupoune, comme je dis. Et ça complique aussi, par contre, un peu l'accès à l'accueil de provisoire quand il fait froid, etc. Avoir un chien, c'est compliqué, parce que dans les foyers, en général, on ne peut pas y rentrer. Il y a certaines villes qui acceptent les chiens, mais dans une cage. Mais tu ne peux pas dormir avec ta chienne, mais dans une cage. Style la ville de nuit, plus dans d'autres villes. Si il y a une bonne ville pour les SDF, c'est Lons-le-Saunier. Tu avais une chambre, tu pouvais dormir avec ta chienne à côté. Mais tu étais séparé, tu n'étais pas avec quelqu'un. Tu étais une chambre individuelle. Oui, mais ouais. Ce qui est un peu normal, Patrice. Tu trouves ça normal, toi, Nasser ? De pas dormir avec la chienne dans l'appartement ? Bah oui, pour... Ça se discute, hein. Bah parce que c'est des appartements qui sont passés d'une personne à une autre. Donc, si une personne est allergique aux poils de chien ou de chat, et qu'il y a un chien qui était avant, ça peut poser des problèmes. Et puis pour la saleté, enfin je dis pas, un chien c'est pas sale, mais c'est pas propre non plus. Oui, il faut de l'entretien quand même. Il faut pas entretenu. Non mais moi, chaque matin je la brosse, j'ai à peine, j'ai une brosse et je la peigne. Je la peigne. Donc, et plus une fois par semaine, je donne un œuf. Un œuf. Comme ça, c'est le poil brillant. Un œuf. Bah oui, c'est que. Économique. C'est comme nous, shampoing ou deux, ça fait briller les cheveux. Il y avait une autre thématique que tu voulais aborder, c'était la place des femmes dans la rue. Ouais. C'est vrai que là, on n'en a pas autour de micro aujourd'hui, malheureusement, il y en a eu qui sont déjà venus. Parce que, comme j'ai dit, moi je suis un homme, on peut se défendre, mais une femme, ils vont trouver un gars, ils vont dire, on va trouver du travail, bon, excusez-moi de parler comme ça, elle va écarter les jambes, elle va faire la pute. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, c'est ça qu'on leur met comme image sur elle. Ouais. Donc la femme, elle va dire, mais je trouve à toi, j'écarte les jambes et voilà. Voilà. C'est la solution à tout, quoi. Bah oui, Et vous qui êtes autour de la table et qui avez un peu bidouillé par moment pour certains, vous avez croisé beaucoup de femmes qui étaient aussi dans la rue et qui étaient obligées de se débrouiller dans cette précarité de logement, là. C'est plutôt masculin. Quand j'étais SDF, il y a une femme qui est restée avec moi pendant 15 jours. Je lui dis, tu restes avec moi. Comme ça, je t'assure la sécurité. Et ben voilà. Parce que elle était un peu boussagne. Elle était un peu simplette. Donc je dis, bon, au bout de 15 jours, elle est partie. Je lui dis, dégage, tu veux pas repartir, dégage. Et voilà. Polo, à un moment, j'ai l'impression que tu voulais réagir. Tu as quelque chose à rajouter, peut-être ? Oui, parce que je connais un petit peu la vie de Patrice. Et quand je l'ai connu, j'ai fait un peu pareil que ce qu'il a dit. Je l'ai pris pour un moins que rien, un vagabond. Et j'ai appris que loin de là, c'était un vagabond. Il avait de l'esprit et de la sagesse. Merci pour l'eau. Voilà. D'autres à dire. Si tu as une dernière chose à dire, si je peux me permettre, c'est pas un ordre, mais c'est un conseil. Moi, j'aimerais bien poser une question qui est très fréquente. J'ai constaté la présence, enfin, l'alcool et le fait d'être SDF sont très fréquents, sont principalement fréquents. On sait pourquoi. La question que je me suis toujours posée, c'est sur le plan sécuritaire et sur le plan financier, comment ils s'en sortent ? Parce que l'alcool, c'est un produit qui coûte cher. Tu fais la manche, et tu demandes aux gens, et voilà, tu fais la manche, et voilà. Non, il n'y a pas d'autre chose. Tu vas pas voler dans les magasins. Oui. Ouais, tu fais la manche, tu mets ta casquette ou ton chapeau, et tu fais la manche. Non, mais. Et franchement, je vais vous dire. Quand tu fais la manche avec un chien, ça marche mieux. C'est pour ton chien. Et pour ma gueule. Les gens, ils disent ça. Ouais. Et une fois, je me suis retrouvé avec 4 sacs de croquettes de 4 kilos. Donc. Ça, c'est pas mal, mais si tu sais pas où habiter, c'est vraiment pas pratique. C'est pour ton chien. Dans ma tête, je dis et pour ma gueule. Je reprends un tout petit peu la parole pour expliquer aux gens. J'ai 3 euros dans mes mains. Ceux-là, je les ai mangés ce matin pour acheter un litre de vin pour ce soir. Voilà, c'est ça, comment on vit. Après quelques verres de vin, on se sent mieux libre. Une cigarette à la tire et on est heureux. Avec un petit morceau de rock dans les oreilles, je rajouterais, non ? J'aimerais bien, puisqu'on. Il faut avoir une radio ou un Walkman ou un portable. Moi, j'ai pas. On n'a pas ça. Okay. Lancer un appel par rapport à ça, par rapport à le fait d'être en rapport avec l'alcool. Est-ce qu'on a tenté des cures ou des solutions pour s'en sortir ? Des solutions médicales, paramédicales pour s'en sortir. Parce que ça aussi, beaucoup de personnes ne le savent pas. Or que ça existe. Je sais pas en tout cas si toi t'étais là, je me souviens plus exactement. En tout cas, je renvoie les auditeurs et auditrices vers le site de Radio Dio. On a fait une émission consacrée à l'alcool justement. Ça va être l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus. Mais si vous allez donc sur le site de Dio, on a la parole. On a fait une super émission de 1 heure et demie sur cette thématique. C'est pas pour te sabrer, hein, mais comme le temps tourne et que vous êtes plein à discuter, je vais essayer de reprendre un tout petit peu le contrôle du fil qu'on avait prévu, puisque du coup Patrice t'avait choisi de diffuser la musique de Renaud, Mistral Gagnant. Ouais. Parce que moi, à l'époque que je travaillais en sécurité, je faisais les parkings, j'ai vu Renaud, et donc je l'aime bien Renaud. C'est parti, voilà. On écoute Mistral Gagnant tout de suite. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Ton rire, comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants. On a la parole, on échange, on apprend et on partage. Voilà, c'était Mistral Gagnant, chanson choisie par Patrice. Et maintenant, vous allez avoir l'intervention de Mohamed concernant le fait de demander que c'est compliqué. Hein, Mohamed ? Oui, c'est ça. Vas-y, tu peux nous expliquer tout ça ? Par rapport au chien ? Ou par rapport à... Non, par rapport à... Toi, tu voulais parler du fait de demander de l'aide. Je voulais parler d'un phénomène. Enfin, un phénomène, bon, il est connu, c'est de la solidarité. J'ai été bénévole au Resto du Cœur et j'ai constaté des choses. Des personnes qui sont vraiment nécessiteuses sont réticentes et ne s'adressent pas au Resto du Cœur ou à d'autres instances. Par conception, leur conception ne leur permet pas. Moi, je voudrais bien lancer un appel. Que ces associations, c'est de la solidarité, elles sont faites pour ça. Donc il ne faut pas se dire qu'on est en marge de la société ou quand on va dans ces associations pour demander de l'aide. Voilà. Mais pourquoi tu crois que du coup il y a des personnes qui n'ont pas trop envie de demander de l'aide ? Tu parlais tout à l'heure d'être redevable. C'est vrai que c'est pas forcément agréable non plus. Oui. Parce que j'ai été bénévole, et donc je sens de la population. La population qui fréquente et la population qui ne fréquente pas. Je pose la question, pourquoi vous n'allez pas... Et c'est toujours cette réponse qui... C'est sauver une image ou ne pas montrer une image. Voilà. Et c'est pour ça que je veux lancer un appel que ces associations, c'est dans le cadre de solidarité qu'elles sont faites. Et la société, c'est ça. On doit s'entraider entre nous. Voilà. Vous qui êtes autour de la table, qu'est-ce que ça a pu vous faire dans les moments de votre vie? Ça arrive à tout le monde, mais effectivement, on parle de précarité. Vous l'avez vécu peut-être un peu plus fort que d'autres. Qu'est-ce que ça vous a fait justement d'avoir à demander de l'aide? C'est quelque chose qui vous coûte ou au contraire, il y a des choses de solidarité sur lesquelles vous vous basez Non, pour moi, c'est une facilité. Quand j'ai vraiment besoin d'aide, eh ben, je suis bien content qu'on me tende la main. Et je refuse pas. Je refuse pas. Ensuite, s'il y a quelque chose en contrepartie qu'il faut que je fasse, ben je le ferai. Mais demander de l'aide, demander de l'alimentation, c'est pas un souci pour moi, non. Je pense que qu'il faut le faire. Tu préfères quand même qu'il y ait une contrepartie pour justement pas avoir l'impression de devoir quelque chose? Ben, s'il y a une contrepartie, oui, je suis capable de la faire. Mais s'il y en a pas, ben je remercie les personnes qui m'ont aidé. Et j'essaierai d'aider moi-même d'autres personnes si l'occasion me le permet. Moi, par exemple, moi, j'avais honte aussi de demander. Je pense que c'est une question de honte. Une honte. Je n'osais pas trop demander aux gens. Tu te sentais coupable ou oui, tu n'avais pas envie? La honte. Je voulais pas être redevable. Mmh. Et j'avais très honte de ça, de demander. Ouais. Et du coup, tu as préféré longtemps te débrouiller seul plutôt que d'aller chercher de l'aide? Je préfère ne pas manger parce qu'avant je touchais le chômage parce que j'ai fait un apprentissage et des fois je mangeais pas et j'avais honte de demander en fait. Moi je trouve que c'est idiot de votre part, je comprends, mais c'est idiot de votre part d'avoir honte. Et cash, parce bam. Que s'il y a quelqu'un qui doit avoir honte, pas les personnes, c'est l'État. Parce qu'il n'applique pas les droits fondamentaux. Le droit de se nourrir, ça fait partie des droits fondamentaux. De se loger, d'avoir accès à la culture, à la formation, etc. C'est tous des droits fondamentaux qui ne sont pas appliqués. Et c'est ça que la honte, elle est là. Ce n'est pas à nous d'avoir honte. C'est le gouvernement qui devrait avoir honte. Et je voulais dire aussi une autre chose aussi. C'est que le mal qu'on a un truc à vivre dans cette société, c'est l'apparence. C'est l'apparence. On est jugé sur l'apparence au détriment de l'être. C'est pour ça que je dis toujours le paraître au détriment de l'être. C'est la méconnaissance qui est notre principal ennemi. C'est que les gens jugent, ils ont des préjugés alors qu'ils ne connaissent pas. Il suffit de discuter, il suffit de parler. C'est pas parce qu'on est sans domicile fixe qu'on n'est pas des êtres humains. On est des citoyens à part entière. C'était Farid, dans la place. Le spécialiste de la grande tirade. Merci. Vous avez d'autres réactions peut-être sur ce sujet, Polo? Il y a aussi ce que Farid a un peu oublié, c'est qu'il y a aussi le côté, bon, le côté apparent, je le connais par cœur, mais il y a aussi au niveau, on devrait les soins. Tout à les fait. Les soins. Mmh. On ne peut pas laisser quelqu'un dans la rue avec une balafre ou avec une grosse fièvre. Et qu'il ne soit pas immédiatement envoyé au SAMU, enfin au SAMU dans un premier temps, et pour le remettre en état. Suite à ce que tu disais, tu disais je n'osais pas demander à manger, alors que c'est pas manger, ça devient une maladie. Et puis Yacine, tu dis que tu as honte de pouvoir demander, mais tu as honte parce que tu as la honte du regard des gens. Oui, mais ces gens, tu les connais pas, ils te connaissent pas. Toi, tu vas à l'association, tu prends la nourriture qu'on te propose et tu rentres chez toi avec cette nourriture. Les gens qui te croisent dans la rue, ils savent pas. Ou même si au pire des cas, ils savent que tu viens de cette association. Qu'est-ce que ça peut faire? T'en as besoin. Donc, je crois que... Si j'ai bien compris, Yacine, c'était aussi la honte de demander à une association, non? Ouais. Enfin, aux gens, ouais. À tout le monde en fait. Ouais, c'est vrai. Mm. Parce que je me dis, c'est pas leur faute en fait, c'est moi, je sais pas. Parce que tu te sens coupable, tu veux dire, ça. La situation où t'es. Mm. Et le regard aussi. Ouais. Et là maintenant. Les moqueries, tout ça, je me suis dit. Mais maintenant que t'es accompagné, est-ce que ce truc de culpabilité, il a changé pour toi ou tu le vis toujours de la même manière? Toujours, je pense. Ouais. Et oui, c'est parti. Hein. C'est parti. Et oui, c'est pas facile, toujours, forcément. Et ce que je trouve dur des fois dans cette émission, c'est aussi de comment on enchaîne quand il y a un blanc, un peu émouvant comme ça. En tout cas, merci, parce que c'est vrai qu'on sentait que tu étais un peu stressé, d'oser aussi dire ces choses qui sont pas faciles à poser devant un micro et au milieu des gens. Et... Moi, je reprends la parole, le Polo, donc toujours. Moi, je dis à toi, Yacine, et pas peur. Moi, j'ai 61 ans. Ça fait 20 ans que je suis à la rue. Depuis que j'ai 40 ans, au début, dur. Maintenant, je veux pas te dire de gros mots, mais je les en aime. Et j'ai 61 ans, j'ai fait l'armée, j'ai bossé, et quand même me dire quelque chose. T'es en train de devenir poli depuis que tu fais de la radio maintenant. Hein. C'est la première fois que tu te sens sur un juron comme ça, là. Depuis qu'on a commencé, on a la parole. Mohamed, je vais te rendre la parole peut-être pour conclure un petit peu ce tour de table et puis aussi présenter le morceau qu'on va passer après, le morceau que tu as choisi. Oui, moi je vous ai choisi un morceau qui est en rapport avec un événement qui reste toujours d'actualité. The Wall, de Pink Floyd. Et non, c'est Eclipse finalement. Eclipse. Ah, a changé. D'accord. Tout à fait. Ben, vous pouvez mettre Eclipse parce que bon, je ne connais pas le thème. Voilà. C'est toujours d'actualité aussi, t'inquiète pas. The Wall, Eclipse de Pink Floyd donc. Eclipse de Pink Floyd. Radio Duo et Pink Floyd à l'instant dans On a la parole. Je vous rappelle qu'on est en compagnie de Mohamed, Polo, Farid, Judith, Patrice, Sandy, Yacine, Koudir, Nasser, Léa, Sophia, Mehdi et Françoise pour votre émission préférée. Et à présent, eh bien, c'est justement à une nouvelle personne que nous allons donner la parole. Koudir, tu avais envie de nous raconter une histoire et je te cède le micro. Merci. Ben, ça me tient à cœur de raconter cette histoire parce que elle est tirée d'un vécu. Donc, moi, je suis arrivé en France comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une crise sanitaire. Donc, si je vous raconte ça, c'est que bon, tout le monde est doté d'un logement, d'un salaire et tous les moyens. Et par contre, moi, je suis bloqué à cette situation. C'est comme j'ai vécu la crise sanitaire à double sens. Donc, voilà, une partie au sud et une autre partie ici à Saint-Étienne. Donc, j'ai eu des rencontres. Un jour, sur la place Hôtel de Ville, j'ai rencontré une personne. Je lui ai demandé... qu'on voit un match, c'est un match de l'équipe de France, du foot. Donc on est resté à regarder ce match. À un moment donné, on doit se séparer. Donc lui s'attendait à ce que moi je l'accueille et lui m'accueille. Donc et personne n'avait cet abri-là. Et à la fin, on se retrouve abrité dans les parties communes d'un bâtiment qui connaît lui, donc il m'a entraîné là-bas. Et puis, je suis c'est-à-dire inspiré par une histoire comme ça, dire pourquoi pas, c'est-à-dire ne pas projeter un projet comme ça, faire un projet pour avoir un abri. Donc je lui ai demandé, je dis bon, maintenant je te pose une question, est-ce que tu peux me répondre dans ta vie, qu'est-ce que tu sais faire? Et il me dit, je sais faire ça, c'est-à-dire, il a beaucoup d'ambition. Mais il ne me parlait pas du sujet que je voulais aborder avec lui. Au final, je lui ai expliqué, je lui ai dit, ben, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères la pelle ou la pioche? Et lui, il me dit, pourquoi faire? Je lui ai dit, ben, c'est pour faire creuser une grotte, quelque part ici, dans une forêt comme ça, on va faire une grotte, au moins on aura un abri. Et lui, il me dit, je te laisse le soin de prendre la pioche parce que c'est toi qui va faire le dessin. Et moi, je vais dégager la terre creusée. Au final, on a choisi un endroit à côté d'un parc. Et là-bas, on a commencé les travaux discrètement, loin des regards. On a réalisé notre grotte et tout. Et puis, il faut lui donner une bonne architecture. Donc, on s'est débrouillé pour avoir un matériel adéquat pour lui donner, c'est-à-dire une fraîcheur à cette grotte-là. Enfin, et la grotte était prête, nous habitons, nous avons eu notre abri. Et à un moment donné, on passait, c'est-à-dire nous entreprenons cette route-là pour sortir au parc, et ça fait un tracé, un sentier comme ça qu'on a tracé avec les pieds. Et puis un jour, il y a des randonneurs qui sont passés par là, ils ont vu qu'il y a un sentier par là qui mène, et ils sont venus. Et puis face à notre grotte là, avec une porte en bois tout arrondi, mais ils étaient curieux de voir, c'est-à-dire découvrir qu'est-ce que c'est ça. Ils ont frappé à la porte et je suis sorti. Ah, bonjour, mesdames, messieurs. Et ils nous regardaient comme ça avec un sourire. Et c'est quoi ça? Eh bien, c'est une grotte. C'est un chef-d'œuvre en quelque sorte. C'est une maison écologique. Donc, nous n'avons pas une villa ou un bâtiment, etc. Ben, on a fait ça. Pas avec de gros moyens, mais juste comme ça. La pioche et la pelle. Et est-ce qu'on peut visiter monsieur? Allez-y, mesdames, messieurs, allez-y, rentrez. Donc on est restés ensemble comme ça, on a discuté tout. Et ils ont bien apprécié comment il est fait, c'est-à-dire les aspects qu'on a donnés à son intérieur. Ils étaient bien. Et ils ont pris un petit café avec nous et puis ils sont partis. Et un autre jour, c'était pas les randonneurs ordinaires ou des marcheurs comme ça. C'était la sécurité comme ça. Et passé aussi, ils ont interpellé ce sentier. Et puis, ils nous ont dit, voilà, qu'est-ce que vous avez fait ici, vous, les deux là, vous avez creusé sur la terre. Et on a dit, ben voilà, c'est une nécessité comme ça, on a fait ça, c'est écologique, on n'a rien détruit, on est parti sur la terre, on n'a rien réellement détruit à la fois. Ah mais non, ça c'est un bien forestier, il ne faut pas toucher, vous avez dépassé la loi. Et puis, donc, c'est un procès, c'est-à-dire qu'il faut passer au tribunal. Et au tribunal, puisque nous avons confiance à la justice, puisque quand il s'agit d'un sujet comme ça, donc il faut bien gérer les choses en termes de précarité. Il ne faut pas, c'est-à-dire, rendre aussi un jugement... c'est-à-dire un jugement commun qui peut m'aider pour mettre le mot comme ça définitif Non, c'est-à-dire qui nous punit plus. Sévère. Un jugement sévère. Voilà. C'est-à-dire, le juge, c'est celui qui voit tout devant lui, il sait comment gérer les choses, il peut modifier la loi à n'importe quel moment par rapport à cette condition. Et donc, il nous a rapproché, c'est-à-dire rapproché quelque chose par rapport à tout ça. Et moi, j'ai répondu, monsieur le juge, nous n'avons pas le choix. Et comme ça fait 3 ans, j'ai vécu la crise sanitaire à double sens et je n'ai pas eu d'abri. Et si j'ai eu un abri, c'est provisoire, c'est chez les autres. Et puis ça, nous n'avons pas choisi, c'est parce que la nécessité qui nous amène là-bas. Et puis à un moment... Est-ce que le juge, il a compris ça, du coup? Oui, après le juge, il ne pouvait rien dire. C'est parce que il y a quelque chose que je lui ai dit à la fin. Je lui ai dit, ben, comme vous ne nous avez pas accepté de vivre sur le sol, et nous avons essayé de trouver un abri sur le sol. Et voilà. Et lui, il ne peut pas dire que nous avons squatté quelque chose. On n'a rien squatté au final. C'est juste, on a réalisé un chef-d'œuvre, c'est une maison écologique. Après, il a réussi. Après tout, nos ancêtres, c'est des Homo sapiens sapiens. Ouais, ils ont habité dans les grottes. Hein. Est-ce que le juge a reconnu que l'Homo sapiens sapiens avait le droit de squatter une grotte en 2020? Non, lorsqu'on ne fait pas du mal vraiment à la nature... On ne fait pas du mal à la nature, c'est qu'on protège la nature, donc pourquoi ne pas concevoir une architecture écologique? C'est contribuable pour l'environnement. Donc moi, les gens qui respectent un peu... Moi j'ai respecté, je suis allé cacher sur la terre, donc je suis un peu invisible. Donc je ne détruis rien de l'aspect... au-dessus du sol. Merci à toi, Koudia, voilà. Pour cette fable écologique. Ouais. Et tes talents de conteur. Mes amis, que vous soyez riche ou pauvre, il n'y a aucune importance avec Radio Dio. Et on arrive maintenant au tour de micro et à la présentation du morceau de notre citoyen du monde préféré. Qu'est-ce que tu nous as choisi aujourd'hui, Farid? Georges Brassens, donc la chanson L'Auvergnat. Bien sûr, je l'ai choisi parce que je vais citer une phrase dans les années 80 que je vais dire. On vit dans une société où on n'attache plus d'importance à un Pascal qu'à ses pensées. C'est pour ça que j'ai pensé à cette chanson. Un Pascal, c'est qu'il y a les jeunes maintenant, ils savent même plus ce que c'est. Hein. Oui, j'aime toujours cette phrase. C'était 500 francs, je vous le dis, très chère jeunesse qui n'a pas connu les francs. Et non pas Pascal Obispo, par exemple. On écoute tout de suite Georges Brassens, chanson pour l'Auvergnat. Merci, Farid. Elle est à toi, cette chanson. Toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain,

Tu crois qu'il n'est pas encore temps? Oui, c'est vrai. Eh, il faut voir aussi quand même ça. Je veux dire, tu n'as pas 97 ans? Oui. J'ai 28. Et toi, ça te dirait? Ah, oui. C'est quelque chose que tu n'arrives pas à imaginer. J'ai envie de partir, ouais. Découvrir d'autres choses. On a des voyageurs peut-être, oui, parmi nous. Je vais prendre le bateau. Ah, Polo? Je voulais dire, comme je te dis tout à l'heure, prends le bateau. Au moins, je voyage. C'est un routier qui te parle. Non, mais en plus, tu peux travailler pour un bateau et naviguer. Ce qui fait que tu as un salaire et tu arrives dans des pays que tu ne connais pas. C'est tout simple. Moi, je trouve notre cher ami là, et que, comme il voulait partir, c'est un voyage, qu'il soit le voyage qui, c'est-à-dire un voyage non prévu, c'est-à-dire aller, même vagabonder, c'est un voyage, ça reste toujours un voyage avec ses détails. Simplement, je vais l'encourager parce que le fait de vouloir partir, il y a quelque chose derrière qui le pousse, c'est de quitter un petit peu le quotidien, le séjour, etc., pour découvrir d'autres horizons. Donc, ces horizons-là, ça va lui contribuer à sa vie, c'est-à-dire à ce qu'il se voulue plus. Parce que moi, on peut dire que j'ai inventé un petit peu un dicton qui dit « change de climat avant que le climat te change ». C'est-à-dire quand on vit dans la même routine, il se peut qu'on ne va pas, c'est-à-dire, aller de l'avant. Moi, il m'est arrivé que j'ai réalisé une œuvre comme ça, et puis à un moment... Une grotte. Pas ici, il y a autre chose, une architecture sur la terre, sur le sol, une belle architecture, et je l'ai laissé comme ça, j'ai donné 17 ans à la réaliser, et puis à un moment, c'est une œuvre, c'est une maison, et que j'ai abandonné à la fin, et que j'ai pas décoré, que je n'ai rien fait de l'extérieur, c'est comme elle était toute neuve et est devenue ancienne à la fois. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Pendant 9 ans, je n'étais pas stimulé, je suis resté bloqué, je m'en foutais du sacrifice que j'ai déjà donné à cette maison-là. Il m'a pris toute ma jeunesse. Et puis à un moment, comme il dit notre frère, je veux aller, partir. Moi, quand j'ai pris la décision de partir... Et je me suis jeté comme ça en plein plage, c'était dangereux, c'était pas sécurisé, je dormais dehors, c'est-à-dire je calculais même pas les dangers qui peuvent m'arriver. Et j'ai souffert dans mon parcours là, c'est pas que j'ai souffert, j'ai tout prévu des moyens, des petits moyens, mais à la fin j'ai tiré une leçon et je suis revenu reprendre mon œuvre. Et j'ai surpris tout le monde après réflexion. Mmh. C'est-à-dire, il faut y aller. Il faut se jeter. Ouais, je fais les vendanges en ce moment. Les déplacements, ouais. Et je commence à faire les vendanges, ouais. Je peux me permettre, après... avant de finir, que ton histoire, elle est digne d'un livre. Elle est exceptionnelle. C'est un vécu que j'ai témoignage. Après, c'est vrai que moi, quand j'étais petit, il y avait l'image du vieux vagabond, le clochard à l'ancienne, qui était une personne mobile, comme ça, etc. Puisqu'on est sur le thème de la précarité aussi, c'est vrai que on a quand même bien l'impression que la précarité, c'est pas ce qui facilite le plus le mouvement. Déjà, il faut réussir à trouver un lieu de vie, trouver des ressources, trouver un repère, trouver un réseau, humain, etc. Peut-être les travailleuses qu'on peut prendre la parole, peut-être cette thématique de réussir à se déplacer comme ça, c'est quelque chose que vous rencontrez dans votre quotidien au boulot ? Oui, effectivement. Enfin, on travaille régulièrement avec des personnes qui ont voyagé, j'ai envie de dire volontairement ou involontairement. Enfin, j'avais déjà expliqué que personnellement, je travaille avec des Ukrainiens, donc qui ont dû quitter leur pays et qui ont dû voyager, qui se sont installés maintenant en France. on ne sait pas si c'est pour longtemps ou pas, mais en tout cas, tous aussi retirent, toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent, retirent un enrichissement à la rencontre de l'autre, d'une autre culture, etc. Et bien sûr, Yacine, si tu as envie de partir et de voyager, on t'encourage effectivement tous à le faire, et d'autant plus dans de bonnes conditions. Et les vendanges, je pense, sont une super expérience pour rencontrer du monde, aller voir un peu ailleurs, ne serait-ce qu'en France, que la France est aussi très très belle. Et voilà. Ça, il y a une chose, une seule chose que je, et qu'il faut le dire, il faut le dire. Le travail social, ce que font ces personnes, c'est immense. Le problème, c'est que le travail social n'est pas reconnu. Il y a de l'ingratitude. Eh oui. Vous trouvez, or que les travailleurs sociaux font un travail de construction vraiment bravo. Merci. Ouais, moi, j'aurais voulu dire, je voulais rebondir tout à l'heure, je préfère qu'on change de système que le climat, personnellement. Mais ce que je voudrais dire en aussi, même temps, en ce moment, ça va un peu de pair, je crois. C'était pour plaisanter. Mais je pense que le vrai problème des gens du voyage, parce que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui date du début du XXe siècle, qui a été remis en cause, parce qu'avant, il y avait les saltimbanques, les artistes de rue, etc. Mais ça a été remis en cause, c'est là où on a mis d'ailleurs la carte d'identité obligatoire. Mais pourquoi ça a été remis en cause? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, que les gens du voyage, c'est difficile à les manipuler, à les formater, etc. Ils font circuler des informations qu'on maîtrise pas. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui a été remis en cause. Et c'est pour ça que de nos jours, et c'est dommage, un truc comme ça, on a envie de voyager. Et moi, je te conseille de le faire, même si c'est parfois difficile, mais je te conseille de le faire parce que tu vas apprendre énormément de choses. Tout ça, mais c'est remis en cause par le système. Et là, je dis bravo quand même aux travailleurs sociaux parce que c'est pas évident pour eux. Je fais toujours la comparaison de leur travail, c'est comme si on demandait à un pompier d'éteindre le feu avec un seau d'eau, donc c'est déjà pas simple. Et en plus, le système au niveau des institutions, je sais que certaines personnes vont me dire, je me répète, mais c'est le cloisonnement entre la santé, le social, la culture, la citoyenneté, etc., alors que c'est tout un ensemble. Et ça, c'est très compliqué pour les travailleurs sociaux pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai que c'est bien qu'on a la parole, mais ce qu'on aimerait, c'est d'être entendu. Bravo Farid et merci. Moi, je voudrais dire un mot aussi pour toi. Continue à écrire. T'es Monsieur Walt Disney. Merci. C'est une dédicace à notre compteur du jour. Quand tu lis, je ferme les yeux. Je vois tous ces personnages vivre. Ton merci. Copain est là plus haut chez la palle, la grotte. Merci fou. C'est la dernière ligne droite de cette émission. Elle est toujours un peu émouvante, la fin. Souvent, vous avez des petits compliments au final, etc. Oui, vas-y. On va quand même pas oublier Xavier, qui n'est pas parmi nous pour la première fois, comme Loïc l'a dit en début d'émission. Mais c'est grâce à lui qu'on est réunis ici. Alors, pas qu'à lui, hein, bien sûr, grâce à Radio Dieu, à Loïc qui accompagne tout ça. Donc, Xavier, c'est un collègue de boulot, ex-collègue de travail depuis peu, qui a rejoint d'autres pénates professionnelles, mais pas très très loin, hein, on le recroisera. Mais on pense tous à lui parce qu'on le connaît. Merci Xavier et à tout bientôt. On espère te voir bientôt et merci à toi. En tout cas, je suis sûr qu'il doit être très content qu'on a la parole et continuer aujourd'hui malgré son petit changement pro et que la team soit soudée et encore plus nombreuse quand il est là. Donc peut-être que. En fait, vous ne l'aimiez pas vraiment, vous. Je voudrais juste dire une phrase pour terminer. Je dirais simplement que le droit de vivre ne se mendie pas, ne se gagne pas, il se prend. Merci à tout le monde. Je rappelle que vous avez entendu Mohamed, Polo, Farid, Judith, Patrice, Sandy, Yacine, Koudir, Nasser, Léa, Sophia, Mehdi et Françoise aujourd'hui. Et comme c'est la coutume dans On a la parole, la coutume du scoop de l'exclusivité mondiale du concert au Zénith de Saint-Étienne, on va finir en musique et en live avec un nouveau morceau de Nas Vegas en exclu sur la plus rap des radios. Le morceau s'appelle La Vie. Bienvenue à toi, Nas Vegas. Ok. Tu veux présenter un petit peu ou on lance l'instru direct? Ouais, vas-y, je vais une petite présentation. C'est un morceau que j'ai écrit dans une période où je commençais à écrire des chansons qui avaient du sens. Et c'était la deuxième. C'était la deuxième. C'est la deuxième. Sur une quarantaine, une cinquantaine de chansons, c'était la deuxième que j'ai écrite. Un début de carrière. Un début. En retour sur un début de carrière grandiose. C'est parti. Dio 895, Las Vegas, en direct et en live, dans On a la parole. Je suis là pour qui, je suis là pour quoi, je me le demande parfois. J'aimerais bien jouer de l'harmonica, j'ai jamais douté de ma foi. Rien ne me l'ébranlera, Dieu tout puissant, ne me laisse pas. Pour les autres, tenez bon, on vous aidera, on est tous dans le même drap. De l'autre côté de la rive, la lanterne allumée, le cerveau allumé. Les substances ne m'ont pas arrangé dans le réseau, perdu dans le vaisseau. Les denrées se raréfient, on se jette du précipice pour tomber sur les récifs. Est-ce la solution? Non, non, je ne crois pas, tu veux l'absolution? Non, non, je ne crois pas. Un conseil, ne crois pas en moi, mais plutôt au très miséricordieux. Ne parle pas de tristesse, de détresse. Évidemment, tout ça me blesse, mec, qu'on en arrête là. Vas-y, fume ton zette là. Pense au moins au prêtre-moi, à ta maman qui a tant fait pour toi. Et vas-y, tu continues à faire des dégâts. Elle vient te chercher au commissariat. Tu fais moins le mariole, on t'enlève tes guiboles. Quelle prise de tête, ah, ça t'embête. Prendre un savon de la part de son daron. Mais tu t'en fous, tu recommenceras, car la rue te tient par le bras. Excusion, trahison, revois la répétition pour voler ton chichon quotidien. Ah ça, tu y tiens, tu te mords la queue comme un chien. Tes remords, tu t'en veux comme un vaurien. On attendra un temps mort que tu reviennes. Reviennes sur terre, car t'es parti loin. Tu te drogues tous les jours au quotidien. Fume de l'herbe comme les Indiens d'Amérique. Ne parle pas de tristesse, de détresse. Évidemment, tout ça me blesse, mec, qu'on en arrête là. Vas-y, fume ton zette là. Pense au moins au prêtre-moi, à ta maman qui a tant fait pour toi. Pourquoi pleures-tu? T'es déçu de la vie. Bouge-toi le cul et profite de la vie. Elle te sourit, mais pour toi ce n'est rien. Elle te réjouit, mais pour toi ce n'est rien. Alors le malheur retombe sur les tiens, et principalement sur le tien. Tu peux te cacher dans la cave ou le grenier. Continue et tout le monde va te renier. Tu n'auras plus rien à gagner. Ton cerveau est broyé et piétiné. Ne parle pas de tristesse, de détresse. Évidemment, tout ça me blesse, mec, on en arrête là. Vas-y, fume ton zette là. Pense au moins au prêtre-moi, à ta maman qui a tant fait pour toi. Las Vegas représente la Loire, principalement Saint-Chamond, 42-400 au nord de la France, 60 km de Lyon pour les panthères et les lions. Las Vegas. Ouais. Toujours dans la bonne direction, Las Vegas, pour finir ce On a la parole. Merci à tout le monde d'avoir assuré comme des bêtes pour vos premières, vos deuxièmes ou vos 18e émissions de radio sur le 895. Et en espérant bien sûr se retrouver tout prochainement sur notre antenne et ailleurs. Merci à vous tout le monde. Mohamed Polo, Farid, Judith, Patrice, Sandy, Yacine, Koudir Nasser, Léa, Sophia, Mehdi et Françoise. Je l'ai dit 17 fois. Merci à vous. Ciao.